Elle se la joue un peu trop sage sous sa rangée de tulipiers. Elle s'est cachée de vieux naufrages sous les vernis de son passé. C'est une ville qui s'arraisonne à chaque place, chaque quartier. C'est une ville qui s'abandonne à chaque rue, chaque pavé. Tu traînes alors avec le stèle au milieu d'un rêve éveillé. Kemper, mélange de rivière, rendez-vous avec la marée. Elle se la joue un peu bourgeoise avec ses façades fermées, mais librement tu l'apprivoises comme une jolie fiancée. C'est une ville du bout du monde, de fin de terre du bout du quai. C'est une ville qui vous inonde à la première grande marée. Tu croises alors le vieux Gradelon sur son cheval là-haut perché, entre les tours de la cathédrale. Pleure encore sa fille aimée. Elle se la joue un peu volage sous son air de ville bien rangée. Elle a quitté son Moyen-Âge, s'étourdir dans ses quartiers. C'est une ville de collines, de Carfintin au Mont Frugy. C'est une ville qui se devine de Locmaria au Pichéry. Tu croises alors Max le poète assis au café de l'Épée. Tu prends le large avec Madec dans son repère d'aventurier. Elle se la joue un peu fragile derrière ses remparts protégés. Elle s'ajuste un peu, se maquille pour les premiers jours de l'été. C'est une ville de faïence en mille éclats de fantaisie. C'est une ville qui se danse, un air de cavotte éblouie. Tu traînes alors avec l'odeur, belle amoureuse de Rivanquet. Kemper, mélange de rivière, rendez-vous avec la marée. Kemper, mélange de rivière, rendez-vous avec la marée. Kemper, mélange de rivière, rendez-vous avec la marée.